Hello, chères poditrices, chers poditeurs, c'est Hakim d'Etis Lo Song. Juste un court épisode, une petite annonce pour vous annoncer que j'ai lancé mon Tipeee pour le podcast 80s Lo Songs. Donc j'en profite via ce court épisode pour pas ne le répéter à chaque fois. En fait, si vous aimez mon podcast, si vous voulez le soutenir, cela me ferait très plaisir. Ce serait un honneur pour moi de votre contribution si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Cela ne changera rien pour ceux qui n'y participeront pas. N'inquiétez pas, il n'y aura pas de différence. C'est juste que j'ai lancé ce Tipeee dans un seul et unique but, de permettre de payer l'hébergement annuel de mon podcast sur le site Podcastix, qui est la version, on va dire, de tous les hébergements, la plus économique, je dirais. Voilà, donc comme chaque année, pour pouvoir garder mes épisodes sur un site, hébergé sur un site, il faut, ce qui est normal, payer un hébergeur, hein, ce n'est pas gratuit, ils sont là, grâce à eux, on peut diffuser des podcasts. Donc si vous aimez vraiment It Is Lo Song, si vous voulez que cela continue très très longtemps, cela me ferait très plaisir, un euro. Ça me suffit, il n'y a pas de souci. Hein. Par exemple, sur Spotify, je sais qu'il y a au moins 14 000 abonnés rien qu'à mon podcast. Donc, il suffit qu'il y ait une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes qui participent un petit peu. Cela pourrait déjà permettre d'au moins payer l'hébergement d'80s Lo Songs, hein, ce qui m'aiderait beaucoup. Voilà, donc... Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je ne fais pas de différence. Déjà, c'est déjà énorme que vous consacriez du temps à l'écoute de 80s Lo Songs, quoi qu'il arrive. Et ceux qui me soutiendront, ben, un énorme merci qui vient du fond du cœur pour votre aide. Donc, il y a pour cela, dans les notes de cet épisode, j'ai mis juste le lien, rien d'autre, du Tipeee, où j'explique en détail hein, la raison de ce Tipeee. Donc, je sais que beaucoup de podcasts le font dès le début. Bon, moi, c'est au bout de 100, plus de 100 épisodes. Hein. Mais bon, il faut payer l'hébergement chaque année. Je le fais par passion, de toute façon. Je n'anime pas ce podcast dans le but de me faire de l'argent. Hein, ce n'est pas du tout cela. Donc, mais au moins, cela me permettrait au moins, via votre soutien, de pouvoir payer chaque année l'hébergement du podcast, en l'occurrence ici sur Podcastix, qui est un très bon site sérieux. Donc j'ai confiance en eux, hein, puisque It Is Lo Songs est sur ce site depuis les débuts. Voilà. Donc merci à toutes et tous, d'une, pour votre écoute, de deux, si vous le pouvez, pour votre soutien, qui me sera très bénéfique, mais surtout pour le podcast. Hein. L'argent ira directement dans l'hébergement, et s'il y a un surplus, je le garde pour l'année d'après, etc. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai un micro, donc je ne vais pas en utiliser pour en acheter un autre micro, sauf si vous estimez que le micro est de mauvaise qualité. Donc là, on reverra. Mais voilà, donc merci encore, et rendez-vous dans quelques heures, même pas, à 19h30, pour le nouvel épisode de Je ne dis rien, je ne spoil rien, mais vous allez le savoir assez vite. Merci encore et n'hésitez pas à consulter la note de cet épisode dans la description pour avoir le lien direct du Tipeee de 80s Lo Songs. Allez, à tout à l'heure, bisous.